chaude, gingembre et citron. Connaissez-vous cette boisson? Eau chaude, gingembre et citron, elle fait du bien et elle sent bon. Un mélange savant de fruits et de racines, 100% naturel.